rêve de mort comme si c'était la Toussaint. C'est Esco, tête posée, 357 sous le coussin. À 6h07, y'a 7 flics au 7 rue des 7. PG appartement 7 au ghetto 100-7. Une histoire de cocaïne et de règlement de compte. J'suis un membre du drive-by clan à ce qu'on raconte. Pouka, par qui? Perquise dans mon duplex. Pourquoi? Parcours médoc, mais j'ai pas le réflexe de dissimuler mes big contrats sur mes rivaux. J'ai simulé la chute, mais les keufs connaissaient mon niveau. Ils prennent mes faves, je refuse le fourgon pour la voiture. Commissaire pété au bourbon, main sur la toiture. Giro phare, c'est clair. J'irai faire un tour au poulailler. Je laisserai personne plumer autant des fourraillés. Street life dans les entrailles de la police. Cage à poule, star du ghetto comme dans les coulisses. Dans la merde jusqu'au cou, sur ma vie personne mourra. Si c'est toi qui m'appalant, je te jure tu mourras. Drive by mon clan, des représailles jusqu'à la mort, t'es prévenu. Touche mon business, tu fais un mauvais plan. Dans la merde jusqu'au cou, sur ma vie personne mourra. Si c'est toi qui m'appalant, je te jure tu mourras. Drive by mon clan, des représailles jusqu'à la mort, t'es prévenu. Touche mon business, tu fais un mauvais plan. On me soupçonne d'être l'anus du monde et de bigrave de la merde. Escobar, Maxon, cash flou, je m'en écrime, règne du concret. Une recrue m'a trahi, te trait. Si je m'en sors, je te vais creux d'un trait. Shooté comme au bal trap, entre dans le bal, frappe. Ballon feu, le mal frappe avec le mal fra. En aucun cas, la situation me rassure. Même si mon blessure, ça met du piment dans ma blessure. L'inspecteur m'interroge sur mes dossiers et mon gun. Devient grossier mon gueule, mon cerveau bug. Ton Dino Valentino, c'est sans succès, je dirais rien putain. Même si tu dois me sucer, mec. Prépare ma cellule, j'irai pas, tu peux te pincer, tu rêves. Tu sais qui je suis minable, mets-toi un doigt et va trincer. L'affaire m'appelle l'avocat, pilier de la firme, j'affirme que sur le terrain et au comico, je suis pas infirme. Dans la merde jusqu'au cou, sur ma vie personne mourra. Si c'est toi qui m'appalant, je te jure tu mourras. Drive by mon clan, des représailles jusqu'à la mort, t'es prévenu. Touche mon business, tu fais un mauvais plan. Dans la merde jusqu'au cou, sur ma vie personne mourra. Si c'est toi qui m'appalant, je te jure tu mourras. Drive by mon clan, des représailles jusqu'à la mort, t'es prévenu. Touche mon business, tu fais un mauvais plan. 5 dépositions, change de position, fais opposition, composition de mensonges, exposition. Un commissaire corrompu prend la relève, me reconnaît, j'ai le sourire aux lèvres. Membre actif infiltré, ça parle en tarot. Jugé procureur inclus, j'esquive les baronnettes. Le fric parle, j'ai la haine au bout de la gâchette. Dino est sorti mort ou vive, j'dis j'achète. Ennemi partout donc, y'a trop de plexus au volant de ma Lexus. Un coup de fil, j'ai mal au plexus. Vivant, en bonne santé, l'enquête avance. Autant de joie que de rage, mon galance, l'adresse de la balance. Tous dans la fourgonnette, broliquer c'est drive. Bye, ce fils de pute attend sa mort près d'une Mac Drive. Moi je roule doucement. Attends, roule doucement, je t'ai dit, bordel. Attends. Ah, il est là, ce bâtard. Ouvre la portière, ouvre, ouvre. Négro bouge pas, enculé mange la chevrotine. Escobar, voilà ce qui arrive à ceux qui me tirent le pin. Dans la merde jusqu'au cou, sur ma vie personne mourra. Si c'est toi qui m'appalant, je te jure tu mourras. Drive by mon clan, des représailles jusqu'à la mort, t'es prévenu. Touche mon business, tu fais un mauvais plan. Dans la merde jusqu'au cou, sur ma vie personne mourra. Si c'est toi qui m'appalant, je te jure tu mourras. Drive by mon clan, des représailles jusqu'à la mort, t'es prévenu. Touche mon business, tu fais un mauvais plan. Dans la merde jusqu'au cou, sur ma vie personne mourra. Si c'est toi qui m'appalant, je te jure tu mourras. Drive by mon clan, des représailles jusqu'à la mort, t'es prévenu. Touche mon business, tu fais un mauvais plan. Dans la merde jusqu'au cou, sur ma vie personne mourra. Si c'est toi qui m'appalant, je te jure tu mourras. Drive by mon clan, des représailles jusqu'à la mort, t'es prévenu. Touche mon business, tu fais un mauvais plan. Sale bâtard. Tu crois que c'est la facilité? Hein? Mpouka avait te balader comme ça, comme si de rien n'était. Interdit au bouffon ou au baltringue, c'est comme tu veux. Maquille la musique, DJ Hamdi, aka Hamdinamite, l'artificier.